Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi min tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'du. Un petit détail avant de commencer, si des gens ils ont des questions qui sont relatives, je dis bien relatives au ders, des choses qui leur ont échappé ou qui n'ont pas compris, qui ne sont pas claires, ce que je leur propose c'est d'écrire via le mail de la chaîne. Il est présent dans le descriptif de la chaîne en haut. Il envoie la question, Inch'Allah, qu'elle soit formulée de façon claire, et je tenterai d'y répondre au ders suivant. Inch'Allah ta'ala. Soit au ders suivant, par audio, ou peut-être, si Allah me donne le temps, par écrit, via la chaîne directement. D'accord? Donc pour les questions-réponses, il y a quand el majal maftouhan, la porte reste ouverte. Et je précise bien, les questions qui sont relatives au ders. Barakallahu fikum. Tayyib, sanabda. Donc la dernière fois on a fini ce qui concerne le Coran. D'accord, le Coran, qu'il est incréé, la parole d'Allah Azzawajal, qu'il est son attribut. Naam. Thumma yuwasil fi arkan al-iman. Il poursuit dans les conditions de la foi. Et là, on va rentrer dans Al-Iman bi Rusul, la foi en les messagers. Yaqul fi su'al al-sabi' wa thamanin, 87e question. Ma dalilu al-imani bi rusuli. Donc, quelle est la preuve de la foi en les messagers? C'est-à-dire qu'elle est parmi les piliers de cette foi. Adilatuhu kathiratun min al-kitabi wa sunnah. Wa minha qawluhu ta'ala. Inna allazina yakfuruna billahi wa rusuli. Wa yuriduna yufarriku bayna Allahi wa rusuli. ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتهم أجورهم. Dans le sens où Allah dit, donc il dit qu'il y a beaucoup de preuves à ce sujet-là, mais parmi elles, le verset qu'il a cité là, en sourate An-Nisa, verset 150 à 152. Sert ceux qui mécroient en Allah et en ses messagers et qui veulent diviser entre Allah et ses messagers et qui disent nous croyons en certains et nous mécroyons en d'autres et qui veulent prendre un chemin intermédiaire entre les deux. Ceux-là, ce sont les mécréants concrètement et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Quant à ceux qui ont cru en Allah et son messager et qui ne divisent pas entre eux, ceux-là, nous leur donnerons leur récompense. Donc, il nous est obligatoire de croire en tous ces messagers. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, j'ai cru en Allah et en ses messagers. Donc, il faut y croire. Le hadith muttafaqun alayhi. Yaqulu fi su'al al-thamin wa thamanin. 88e question. Ma ma'na al-iman bi rusul. Donc, maintenant, que signifie d'avoir cette foi? D'accord? Qu'est-ce que cela signifie? Yaqul huwa tasdiqu al-jazim bi anna Allah ta'ala ba'atha fi kulli ummatin rasula minhum yad'uhum wa yad'unahum ila ibadati Allah wahdahu wal kufr bima 'ubida yu'badu min dunihi wa anna jami'ahum sadiqun musaddiqun barun rashidun kiram barara atqiya umana huda muhtadun bil barahin adh-dhahira wal ayati al-bahira min rabbihim muayyidun. Donc il a dit, cela signifie qu'il faut, les croire. Plutôt, il faut croire pleinement que Allah Azza wa Jal les a envoyés, ou qu'il a envoyé dans chaque communauté un messager d'entre eux, qui les appelle à adorer Allah seul, et à mécroire en ce qui est adoré en dehors d'Allah. Ils sont tous véridiques, et qu'on doit tous les croire. Ils sont tous des gens droits et bien guidés, qui sont des gens honorables. Donc, je suis vraiment désolé, hein. C'est inévitable. Faut patienter, Inch'Allah. Dès que ça reprend, on poursuit. Donc, je disais, à propos des messagers, qui sont des gens honorables, bien sûr, honorés auprès d'Allah Azza wa Jal, et des gens droits, de confiance, fiables, qui sont des gens guidés et qui sont des gens qui sont des bons guideurs également. Des bons guides plutôt. Non, on dit pas guideurs, on dit des guides. et cela avec les preuves apparentes et les signes que leur accordait leur Seigneur afin de les soutenir dans leur mission qui est de retransmettre. وَأَنَّهُمْ بَلَّغُوا جَمِيعَ مَا أَرْسَلَهُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَمْ يَكْتُمُوا وَلَمْ يُغَيِّرُوا وَلَمْ يَزِيدُوا فِيهِ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ حَرْفًا وَلَمْ يَنْقُصُوهُ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَى الْبَلَاغُ الْمُبِينِ. Donc également qu'ils ont retransmis tout ce que Allah Azzawajal leur a ordonné de révéler. Qu'ils n'ont rien caché, qu'ils n'ont rien changé, qu'ils n'ont rien ajouté de eux-mêmes et qu'ils n'ont rien également réduit. Ils n'ont rien retiré. Dans le sens où Allah a dit, et qu'il ne revient au messager que de retransmettre clairement. Surat de An-Nahl, les abeilles, verset 35. وَأَنَّهُمْ كُلَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَاتَّخَذَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ مُوسَى تَكْلِيمًا. Et également qu'ils étaient tous sur la vérité éclatante et claire, et que Allah Azzawajal a pris Ibrahim comme Khalil. Khalil, à la base, ça vient du mot Khulla, et Khulla, c'est le plus haut degré de l'amour. Et qu'il a également pris Muhammad comme Khalil, et qu'il a parlé de vive voix à Moussa. وَرَفَعَ إِدْرِيسَ مَكَانًا عَلِيًّا, et qu'il a élevé Idriss à un lieu élevé. Par rapport au verset qui parle de Idriss, alayhi salam, il y a une divergence. Il y a des ulama qui disent que c'est son statut, c'est-à-dire qu'il a été élevé à un haut rang, et d'autres ulama disent non, il a été élevé aux cieux. Il y a une divergence par rapport à ça. وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ وَأَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ, et que Isa alayhi salam est le message d'Allah, son serviteur, son messager, et sa parole qu'il a mis en Maryam et un souffle de lui. Et quand on dit kalimatullah, c'est que le fait que Allah il a dit kun fayakun. Il lui a dit kun, soit. Et de là, Isa a été. Et que Allah en a préféré certains à d'autres, et en a élevé certains d'autres en degré. Comme encore le Ta'ala, wa faddalna ba'd an-nabiyyin 'ala ba'd. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ. Nous avons certes préféré certains messagers à d'autres. وَمِنْهُمْ مَنْ j'ai oublié le verset. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. Nous avons élevé certains en degrés. طيب. Donc les rusul, les messagers, sont tous les meilleurs des créatures, mais leurs préférences varient. Certains sont préférés auprès d'Allah Azzawajal que d'autres. Et certains sont, comme on va le citer, plus déterminés que d'autres. Yaqul fi sawal at-tasi'a wa thamanin, 89e question. Hal ittafaqat da'wat ar-rusul fima yu'maruna bihi wa yanha'una anhu, fima ya'muruna bihi wa yanha'una anhu. Donc maintenant, est-ce que l'appel de ces messagers est unanime dans ce qu'ils ordonnent et ce qu'ils interdisent? Yaqul اتفقت دعوتهم من أولهم إلى آخرهم على أصل العبادة وأساسها وهو التوحيد بأن يفرد الله تعالى بجميع أنواع العبادة اعتقادا وقولا وعملا ويكفر بكل ما يعبد من دونهم. Donc leur da'wa était unanime et unique du premier au dernier dans la base qui était l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah, c'est le tawhid, que Allah doit être unifié dans l'adoration. Sous toute forme, dans toutes les formes d'adoration. Et cela par croyance et par parole et dans les actes. Et de mécroire tout ce qui est adoré en dehors de lui. Là-dessus, les prophètes et messagers étaient tous unanimes. وَمَّا الْفُرُودُ الْمُتَعَبَّدُ بِهَا فَقَدْ يُفْرَضُ عَلَى هَؤُلَاءِ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَنَحْوِهَا مَا لَا يُفَرَّضُ عَلَى الْآخَرِينَ وَيُحَرَّمُ عَلَى هَؤُلَاءِ مَا يَحِلُّ لِآخَرِينَ امْتِحَانًا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Quant maintenant aux rites qui sont liés aux actes d'adoration, alors il se peut que certains rites ont été légiférés à d'autres, à certains et pas à d'autres. Par la salat, dans le siyam et autres. À savoir que la salat, on la trouve dans les preuves que dans toutes les communautés, la salat, elle leur a été imposée. Maintenant, comment ils la faisaient, combien ils en faisaient par jour et autres, on ne sait pas. Le jeûne également, on l'a trouvé. La zakat également, on l'a trouvé. Et le hajj a été trouvé. Mais Adillah le prouve que c'était déjà présent par avant. Maintenant, de quelle façon il le faisait, ça, on ne sait pas. Le recours, il l'avait. L'inclinaison, il l'avait. Le sujoud, il l'avait également. Et la station debout, il l'avait. Mais par exemple, el-Fatiha, il n'y a que nous qui l'avons en islam. Les autres, ils avaient sûrement autre chose à réciter de leur livre. Mais Al-Fatiha, il y a que les gens de l'islam qui l'ont eu, par exemple. Sans quoi, Allah Azzawajal a fait ses différences pour nous éprouver qui sera de meilleure œuvre. Pourquoi? Car en fait, cela va montrer qu'il est véridique. Dans le fait que Allah Azzawajal, lorsqu'il a envoyé un messager, il a toujours révélé à ce messager d'informer de celui qui prendra sa relève par la suite. Pour que les gens, lorsque ce messager mourra, ne disent pas « il n'y a personne après lui ». On dira « ah non, tel messager vous a averti qu'un tel va venir après lui, donc suivez-le ». Et donc de là, les gens seront éprouvés si c'était vraiment véridique. S'ils vont suivre le nouveau messager qui viendra par la suite, ou s'ils s'arrêtent à celui qui leur a été envoyé à eux seulement, comme vous le savez par exemple, les Yahoud, après ils ont refusé Isa alayhi salam. Et les Nansara, ils ont refusé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors que nous, on les a tous acceptés. La nufarriqu bayna ahadin min rusulina, nous avons divisé entre aucun de ces messagers. Donc cela, c'est pour nous éprouver qui est sincère. D'accord? Qui est sincère? قال في السؤال التسعين ما الدليل على اتفاقهم في أصل العبادة المذكورة. Donc maintenant, quelle est la preuve de l'unanimité de la base de l'adoration citée, c'est-à-dire qui était leur appel principal? الدليل على ذلك من الكتاب على نوعين مجمل ومفصل. Donc cette preuve, elle est de deux sortes, celle qui est générale et celle qui est spécifique, détaillée. D'accord. أما المجمل فمثل قوله تعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Donc maintenant, parmi ce qui est général, là, comme preuve, le verset où Allah dit, dans le sens, et nous avons certes envoyé à chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah, éloignez-vous de Tagut. » Les abeilles, verset 36. وَقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Également, il dit dans le sens, et nous n'avons pas envoyé avant toi de messager sans que nous lui ayons révélé qu'il n'y a nul de divinité digne d'être adoré en dehors de moi, alors adorez-moi. Surat les prophètes, verset 25. وَقَوْلِهِ تَعَالَى وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنَ آلِيَةً يُعْبَدُونَ. Il a dit, et demande à ceux que nous avons envoyés avant toi parmi les messagers, est-ce que nous avons attribué une autre divinité en dehors du Rahman à adorer? Là, c'est surat Az-Zukhruf, l'ordonnement, verset 45. Donc ça, ce sont des preuves qui, elles, indiquent de façon générale que les messagers ont tous appelé au tawhid. أَمَّا الْمُفَصَّلِ, maintenant les versets qui eux sont plus détaillés, فَمِسْلِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Nous avons certes envoyé Nuh à son peuple pour leur dire ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité, c'est-à-dire à adorer en dehors de lui, n'allez-vous donc pas craindre? Verset des croyants, verset 23. Donc là c'est précis que Nuh l'a clairement dit à ses congénères, à son peuple. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Également, nous avons envoyé à Thamoud, leur frère Salih. Il leur a dit, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Surat Hud, verset 61. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Également à Ad, leur frère, nous avons envoyé leur frère Hud. Et là, c'est leur frère par rapport à la filiation et non pas à la religion. C'est la fraternité par rapport à la filiation généalogique qu'il est de leur tribu, des leurs, de leur peuple, sans quoi innama al-mu'minuna ikhwa, seuls les croyants sont des frères. Ne pas oublier cela. Donc il a dit à son peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Surat Hud également, verset 50. Wa la madiyan akhahum shu'aiba قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Également à Médiane, leur frère Shu'aib, pour leur dire, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Également sur la Hud, verset 84. وقال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. Lorsque Ibrahim a dit à son père ainsi qu'à son peuple, nous sommes certes innocents de ce que vous adorez, hormis celui qui nous a créés, ou qui m'a créé. Zuhruf, verset 26 à 27, l'ornement. وقال موسى إنما إلهكم إله عفوا جمالي وإنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا, que seule votre divinité, c'est Allah, celui qui n'a donc, dont il n'y a aucune divinité en dehors de lui à adorer, et qu'il a élargi de toutes choses par sa science. Ou plutôt, il a cerné toutes choses par sa science. Taha, verset 98. وقال المسيح ابن مريم نعم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. Et lorsque le Messie a dit au fils d'Israël, c'est-à-dire Isa, adorez Allah, votre Seigneur, ou mon Seigneur et votre Seigneur, car quiconque associe à Allah, Allah lui interdira le paradis, et que son refuge sera l'enfer. La table servie, verset 72. قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. Et dit, je suis qu'un avertisseur, d'accord, et qu'il n'y a d'autre divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, le seul et le dominateur. Surat Sad, verset 65. Donc, dans tous ces versets, Allah Azzawajal nous a bien dit que les messagers ont bien dit à leur peuple d'adorer Allah Azzawajal seul. Et leur ont interdit de faire du shirk, d'adorer autre que lui. يقول في السؤال الواحد وتسعين 91e question. ما دليل اختلاف شرائعهم في فروعها من الحلال والحرام. Donc maintenant c'est quoi la preuve des divergences qu'il y a eu justement dans les législations, hein, dans les rites quant au halal ou haram, que ce qui était halal pour eux a pu devenir haram pour nous, et vice-versa. قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. Il a dit dans le sens, Allah عز وجل, pour chacun, c'est-à-dire chaque communauté, nous avons fait de vous une législation et une voie à suivre. Et que si Allah avait voulu, il aurait fait de vous une seule et unique communauté. Mais c'est afin de vous éprouver dans ce qu'il vous a donné. Alors devancez-vous dans le bien. وقال ابن عباس رضي الله عنهما شلعة ومنهاجا سبيلا وسنة ومثله قال مجاهد وعكرمة والحسن البصري وقتادة والضحاك والسدي وابو اسحاق السبيعي. Donc il a dit dans le verset, lorsqu'il dit شلعة ومنهاجا, c'est législation et une voie à suivre. Ça, c'est le tafsir du verset qui a été donné par plusieurs parmi les salafs et parmi les sahaba, dont Ibn Abbas, et également par la suite par Mujahid, Ikrima et autres. Ils ont expliqué ce verset, que le sens voulu, c'était législation et voie à suivre en religion. En fait, Sahih al-Bukhari, qu'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, nahnu marshal al-anbiya, ikhwa, la'alat, diununa wahid. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit justement, nous les prophètes, nous sommes des frères, et que notre religion n'est qu'une. يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله. C'est-à-dire que notre religion n'est qu'une seule, c'est-à-dire le tawhid, celui pour lequel Allah Azza wa Jal a envoyé chaque messager. وما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي والحلال والحرام ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Quant aux législations, aux rites, ils sont de différentes sortes, quant aux ordres, quant aux interdits, quant à ce qui est halal, ce qui est haram, et cela afin de nous éprouver qui œuvrera dans le mieux. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a eu différents prophètes et messagers pour que Allah nous éprouve par la suite qui va suivre la vérité. Si un messager venait à mourir, est-ce qu'il va suivre le prophète qui va venir par la suite ou pas? Et là, c'est pareil. Ceux qui ont eu des rites, si un messager vient avec une nouvelle législation, est-ce que les gens vont suivre ce qu'il y a de nouveau ou dire on reste sur quoi on a trouvé nos pères et vont s'obstiner à rester sur ce qui a été abrogé et qui n'est plus en effectif pour voir si c'était vraiment sincère. يقول في السؤال الثاني وتسعين 92e question. هل قص الله جميع الرسل في القرآن. Donc est-ce qu'Allah عز وجل a cité tous les messagers dans le Coran? يقول قد قص الله علينا من أنبيائهم ما فيه كفاية وموعظة وعبرة. Donc Allah dans le Coran nous a cité ce qui nous suffit D'accord? Ce qui est suffisant. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. Des messagers que nous t'avons cités. Nous t'avons parlé d'eux auparavant et d'autres dont nous n'avons pas parlé. Donc, il y a des messagers que l'on connaît et d'autres que l'on ne connaît pas. يقول فنؤمنون بجميعهم تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل. Donc nous croyons en eux dans tout ce qui a été cité textuellement comme prophètes et messagers, on croit en eux. Et ce qui a été cité de façon globale, on y croit également. Comme dans le vers précédent sur les kutub. D'accord? Qu'il y a des livres que Allah Azzawajal a nommés et d'autres qu'il n'a pas nommés mais qui ont été descendus. Donc on croit en tous. Ceux qui ont été nommés tels qu'ils ont été nommés et ceux qui n'ont pas été de façon générale, qu'on sait que Allah Azza wa Jal les a fait descendre et qu'ils viennent de lui. يقول في السؤال الثالث والتسعين 93e question. كم سمي منهم في القرآن. Donc combien d'entre eux ont été nommés dans le Coran de ces messagers. سمي منهم فيه. Donc maintenant il dit qui sont-ils. Adam, Nuh, Idris, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Lot, Shu'aib, wa Yunus, wa Musa, wa Harun, wa Ilyas, wa Zakariya, wa Yahya, wa Al-Yasa', wa Zalkifl, wa Daoud, wa Suleyman, wa Ayyub, wa Zukira al-Asbat jumlatan, wa Isa wa Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, wa sallallahu alayhim wa sallam. Al-Asbat sont les tribus. D'accord, les tribus. Venues après Yaqub. Donc en tout, dans le Coran, 25 ont été nommés. 25 ont été nommés. 18 dans un même verset et 7 autres de façon dispersée. Après, dans tous ces messagers, d'accord, 4 étaient des Arabes. 4 étaient des Arabes. Il y avait Shu'aib, Saleh, Hud et Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ces quatre-là étaient des Arabes. Quant aux autres, ils étaient des Ajim, des non-Arabes. D'accord? Des non-Arabes. Et le plus grand nombre d'entre eux étaient des Bani Israël. Le plus grand nombre d'entre eux étaient des fils d'Israël. C'est eux qui ont reçu le plus grand nombre d'envoyés. Et d'ailleurs, vous savez qu'ils les tuaient. Ils tuaient les prophètes. Wa li'az billah. يقول في سؤال الرابع والتسعين 94e question. من هم أولو العزم من الرسل. Donc qui sont maintenant ce qu'on appelle أولو العزم, ce sont les plus dotés de détermination. D'accord? Ceux qui ont été le plus engagés. Tous étaient engagés, mais certains ont eu des épreuves plus grandes, ils ont fait face à de plus grands conflits avec leur peuple. Donc qui sont-ils? هم خمسة ذكرهم الله عز وجل على انفرادهم في موضعين من كتابه. Ils sont cinq, et que Allah Azzawajal les a cités individuellement dans deux endroits de son livre. Al-Mawdu' al-Awwal fi Surat al-Ahzab. Quand je dis individuellement, c'est-à-dire chacun, son nom est cité. Naam. Donc en premier, dans Surat al-Ahzab. Ahzab, c'est les coalisés. Wa idh akhadhna min an-nabiyyin mithaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam. Donc il est dans le sens où Allah dit. Et lorsque nous avons pris de toi l'engagement, plutôt, nous avons pris des prophètes, l'engagement ainsi que de toi, c'est-à-dire Mohammed, et de Nuh, et de Ibrahim, et de Moussa, et de Isa, fils de Maryam. Ils ont été là nommés les cinq. C'est Mohammed, c'est Nuh, c'est Ibrahim, c'est Moussa, et c'est Isa. Ce sont eux les cinq. Al-Mawdu' al-Thani, fi surat al-Shura. Deuxième endroit, c'est dans le verset, ou plutôt la surat, de la consultation. Wa waqulu ta'ala shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuhan wallazi awhayna ilayk wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi. Dans le sens où Allah dit, et que Allah vous a légiféré en religion ce qu'il a également révélé à Nuh, est-ce que nous t'avons révélé à toi. Et que nous avons révélé à Ibrahim, ainsi que Moussa et Isa. C'est-à-dire, d'appliquer la religion, de l'instaurer, et de ne pas s'y diviser. La religion est venue pour nous unir. et les prophètes étaient unis. La division, elle est venue, elle a apparu chez nous, chez les suiveurs des prophètes. Quant à ceux qui étaient fidèles à leur messager, ils sont de nous, les gens de l'islam. Nous sommes unis avec ces gens-là. Taïeb, non. Yaqul man awwal ar-rusul, qui est le premier des messagers. En réalité, comprendre une chose, Rasoul, c'est un envoyé. C'est un mursal. Donc en réalité, tous les prophètes également sont des envoyés. Mais le messager en lui-même, les ulama, ils ont fait une différence entre Ar-Rasoul ou An-Nabi. C'est que, parmi les meilleures définitions, c'est que les deux sont des hommes, qui à la base sont des hommes libres, d'affiliation connue, leur descendance elle est connue, des gens connus, taillés, et à qui Allah Azzawajal a fait une révélation. Et le messager, lui, dans beaucoup de situations, il vient avec un livre. Et souvent également, il amène une nouvelle législation. Et il est envoyé à un peuple qui dément, soit des koufars, ou soit alors des peuples qui étaient croyants, mais qui se sont mis à démentir. Comme les Bani Israël, par exemple, parce que Issa leur a été envoyé. Quant au prophète, lui, il a été dit qu'il ne reçoit pas de livre, et qu'il ne change pas la législation, mais juste il revivifie la législation du messager qui est envoyé avant lui, et qu'il annonce la venue de ce qui viendra par la suite. En fait, il vient pour raffermir les gens, pour consolider le message qui a été donné avant lui, et pour également annoncer ce qui viendra après lui. Mais il n'apporte rien de nouveau, en fait. D'accord? Il vient entre des messagers. Il n'apporte rien de nouveau. Et également, lui, il a envoyé un peuple qui croit déjà, mais pour leur rappeler ce qu'ils risquent d'oublier, ou pour les, comme on l'a dit, les raffermir. Ça, c'est le tarif de Shir Islam qui donne comme définition entre le messager et le prophète. Et d'autres disent autre chose. Mais cette différence-là, c'est ça qui paraît comme étant la plus claire. Wallahu ta'ala alam. Donc maintenant, il dit, c'est qui le premier des messagers? Awaluhum ba'd al-ikhtilaf Nuh alayhi salam. Donc en réalité, on va dire le premier qui était envoyé aux gens de la terre. Aux gens de la terre, c'est Nuh. Kama qala ta'ala, inna awhayna ilayk kama awhayna ila Nuhin wa an-nabiyyin min ba'di. Dans le sens où il dit, certes, nous t'avons révélé à toi tout comme nous avons révélé à Nuh et aux prophètes d'après lui. Seulement, ce verset, vous voyez bien, il n'est pas, on va dire, clair en soi pour dire qu'il est le premier. Ce qui est venu et qui clarifie la chose, c'est un hadith, dans le hadith de la Shafa'a, l'intercession majeure qui aura lieu, lorsque les gens iront voir les messagers pour leur demander d'intercéder pour eux. Ils iront voir Nuh. Ils diront, « Ya Nuh, anta awal rasoul ila ahl al-ard. » Tu es le premier messager envoyé aux gens de la terre. Donc ce hadith, il est clair. Car Adam, alayhi salam, Adam, il a dit qu'il était un prophète et pas un messager. Car il y a eu, entre Adam et Nuh, les Mufassirun disent qu'il y a eu 10 générations entre les deux. Après, on n'a pas de preuve claire, mais ils disent cela. Et que c'est à partir du peuple de Nuh que la divergence, elle a commencé. Mais Adam et ceux qui sont venus après lui étaient tous sur le Tawhid. Cependant, le shirk a commencé à apparaître dans le peuple de Nuh avant que Nuh n'apparaisse. Donc là, Nuh est devenu un messager qui est venu car les gens sont tombés dans le shirk et dans la mécréance pour leur rappeler et pour les faire revenir à la vérité. Et vous savez, l'histoire, elle est connue par la suite. Yaqul, كذلك, parmi les preuves qu'il est le premier des messagers, كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. Et que avant eux, c'est-à-dire avant les messagers, le peuple de Nuh également ont démenti. C'est-à-dire leurs prophètes, leurs messagers plutôt. Et aussi je précise, chaque messager est un prophète. Chaque messager est un prophète. Chaque messager apporte la prophétie. Et ce n'est pas tout prophète qui est un messager. Comme on l'a dit tout à l'heure. Mais ce sont tous des envoyés. D'ailleurs, Cheikh Ibn Baz lui voit qu'on peut dire Rasoul sur un prophète également. Lienna kullahum mursaloun. min indillah azawajal. C'est le sens d'envoyer. Après, il y a des spécificités qui différencient les deux. طيب يقول طيب là je vous ai dit une chose mais là il va la répéter en fait. يقول متى كان الاختلاف. Là on vient de le dire mais on va la répéter, c'est pas grave. Donc quand est-ce que la divergence elle a apparu, c'est-à-dire au sein des gens que le shirk il a apparu. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا. وقال تعالى فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. Donc ابن عباس رضي الله عنه il dit que entre Nuh et Adam, plutôt entre Adam et Nuh, il y a eu 10 générations. Attention, maintenant on dit 10 générations. Sachez une chose, que à l'époque, les gens ne vivaient pas comme nous. Il était dit que Nuh a été au sein de son peuple 950 ans. 950 ans. On n'a pas dit qu'il a vécu 950 ans, il était au sein de son peuple. Après, une fois que son peuple était détruit, on ne sait pas combien de temps il a vécu par la suite. Donc c'était au moins du 1000 ans. C'était au moins du 1000 ans, la vie d'un homme. Peut-être plus, Allah a'lam. Donc 10 générations, imaginez-vous le temps que ça a pu laisser. D'accord? Le fil du temps qui s'est passé entre Adam et Noé par rapport au temps de vie nous avons aujourd'hui à notre époque. Et aussi les gens, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Adam faisait 60 coudées. Ça fait à peu près 30 mètres, je pense. Parce qu'une coudée, ça fait à peu près une coudée, c'est un avant-bras d'un homme. Ça fait à peu près 50 cm. Donc deux coudées, ça fait 1 mètre. Donc ça fait à peu près 30 mètres. Et au fur et à mesure, les hommes sont censés de rétrécir. Et aujourd'hui, ils veulent faire croire qu'on vient de... On descend du singe, je ne sais quoi, avec leur squelette là qui nous montre. L'homme, il n'était pas comme ça avant. Donc ça, on n'y croit pas à ça. Ce squelette, qu'est-ce qu'il représente? Je sais pas ce qu'est ce squelette. Est-ce que c'est vraiment un singe qui était à part ou une créature qui a disparu? Je ne sais pas. Allah alam. D'accord? Est-ce que c'est pas un mensonge? Je ne sais pas. Mais dire qu'on vient de ça? Non, on vient pas de ça. Si on trouve des squelettes d'hommes parmi les premiers des premières générations, ils seront immenses. Et s'ils le trouvent, sachez-le bien qu'ils se garderont de le dire. Car cela confirmera les textes de l'islam. Ils ne le diront pas. Peut-être qu'ils l'ont déjà découvert et qu'ils le cachent. Allah alam. En tout cas, nous, c'est ça le croyant, il croit en l'invisible, on croit au texte. Le Nabi sallam nous a dit comme ça, que avant l'homme faisait 60, du moins que Adam faisait 60 coudées et que après l'homme n'a cessé de rétrécir jusqu'à notre époque. Voyez, donc soit on y croit. Non, cela nous suffit. Yaqul. Donc maintenant qu'on a appris qui était le dernier des messagers, man wa khatim an-nabiyyin, maintenant qui est le dernier, le sceau des prophètes. Wa ta'lifu nazalika, vous savez tous, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib, c'est lui, le dernier des prophètes et des messagers. Wa fi su'al al-thamin wa tis'in, 98e question. Ma dalil ala dhalika, c'est quoi la preuve de cela? Qala Allah ta'ala, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatim an-nabiyyin. Que le Muhammad n'était le père d'aucun d'entre vous, aucun des hommes, cependant le messager d'Allah est le sceau des prophètes. Et coalisé verset 40. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam innahu sayakunu ba'di kadhabun 30 kulluhum yad'i annahu an-nabi wa ana khatim an-nabiyyin wa la nabiy ba'di. Il a dit qu'il y aura 30 menteurs, des imposteurs qui sont passés pour des prophètes. D'accord? Il a dit c'est moi le sceau des prophètes, il n'y a aucun prophète après moi. Donc la chose elle est claire. Et aujourd'hui, on voit des gens qui se prétendent qui prétendent avoir la prophétie. Et comme on l'a dit tout à l'heure, nous on a des hadiths clairs, donc on n'y croit pas. Même demain, ils viendraient à faire les plus grands des miracles devant nos yeux. Ils ne seront pas des miracles, ce seront des actes sataniques. Ces gens-là ne font pas de miracles. Ils font juste des épreuves, comme le Dajjal qui fera revivre les morts, et ainsi de suite. Ce sont juste des choses pour éprouver les gens. Ce ne sont pas des miracles. Le miracle, c'est une chose que Allah Azawajal n'accorde qu'à ses alliés, parmi les prophètes et les gens pieux. Ces gens-là, ce sont des choses qui viennent de Shaitan, d'accord, pour éprouver les gens, savoir qui va croire et qui ne croira pas. Donc même si des gens disent « je suis un prophète » et tu le vois faire une chose incroyable hors du commun devant tes yeux, ne le crois pas, c'est un menteur. D'accord? C'est un menteur. Les textes sont là pour dire que le dernier, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. « وَفِي الصَّحِيحِ قَوْلُهُ sallallahu alayhi wa sallam لِعَلِي رَضِيرَ عَنْهُ أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. il a dit, Ali, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, n'agrées-tu pas d'être pour moi ce que Haroun était pour Moussa, sauf qu'il n'y a pas de prophète après moi. Car en fait, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait confié à Ali, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam partait en conquête, de que Ali reste à Al-Médina pour garder les femmes et les enfants. Donc de là, déjà, les gens commencent à diffamer Ali pour dire il n'est bon qu'à garder les femmes et les enfants. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour le consoler, lui a dit, ce que je te confie comme mission, dans le sens que lorsque Moussa il est parti, pour parler à Allah azawajal, il a confié son peuple à qui? À Haroun. Donc toi, c'est pareil, je te confie à mon peuple, en mon absence. Cependant qu'il n'y a pas de prophète après moi. Il n'y a pas de prophète après moi. Naam. Yaqul fi hadith al-Dajjal wa ana khatam an-nabiyyin wa la nabiyya ba'di. Et qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à propos du Dajjal, lorsqu'il va venir, pour pas que les gens pensent que c'est lui-même un prophète et un messager, il a dit je suis le sceau des prophètes, il n'y a aucun prophète après moi. Naam. Donc voilà ce qu'on a pris aujourd'hui comme durus. Il y a une petite coupure au début, je m'en excuse. Par la suite, alhamdoulilah, c'est bien passé. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si jamais il y a des questions relatives au ders ou autres, que les gens me contactent via le mail dont l'adresse est citée dans le descriptif de la chaîne. Inch'Allah, j'y répondrai soit en direct dans les prochains durus ou soit par écrit sur la chaîne directement. Et à partir de la semaine prochaine, on commencera les durus le vendredi de Bardiat El Kouloub, le livre de Chiré Sardi que je faisais en France tous les samedis. Là, j'avais deux conférences à faire, je les ai faites, alhamdoulilah. Donc, à compter de vendredi prochain, bismillah ta'ala, on reprend également ce ders-là, qui aura lieu qu'une fois par semaine, ou sauf si des fois il y a des conférences, elles auront lieu également le vendredi. Et vous serez averti à l'avance. Ou si des fois il y a des, je serai amené à annuler des doulous pour quelque raison que ce soit, vous serez averti à l'avance. Tayyib, subhanaka wa bihamdik. لا إلى أن تستغفرك وتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته